ce soir après dîner. Avec qui iras-tu dans ton ciel? Comment t'habilles-tu? Est-ce un copain? Est-ce une amie? Moi je t'attendrai jusqu'à 10 heures. Je t'attendrai toute la nuit, viens quand tu veux.